Bonsoir, on est en direct de MTC, Montréal, et le cours va être donné par Rav Maimon Pinto sur la Parashat Yitro. Et on est le 14 janvier 2014, et on est le 14 Shvat 5714. Et ce cours est pour la Refuah Shelema de Nissim Ben Aviva, de Yael Bat Rosali, de Benjamin Ben Yael, et pour les Lunishma de Rosali Bat Rosalie. Bonne soirée et bon cours. On va commencer le cours. Bon, premièrement, je vais parler de d'un sujet, mais de plusieurs choses dans ce sujet. Cette paracha, c'est la paracha de Matan Torah. Oui ? Oui. C'est très bien. Yitro. Bon, il y a une grande discussion. Hein. Est-ce que Yitro. Dans la paracha, on voit que Yitro, dès qu'il entend que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont fait la guerre avec Amalek, après qu'ils ont traversé Kriat Yamsouf, la mer, et Amalek tout de suite il vient, et il vient faire la guerre avec Bnei Israël, même que tout le monde, même que le monde entier tremblait d'Israël. Oui, parce qu'ils ont vu tous les miracles que Hachem il avait fait, etc. Amalek, quand même, il vient et il se bat contre Bnei Israël. Et la guerre, on sait que Bnei Israël, ils ont vaincu. Moshe, il tenait les mains, etc. Toute l'histoire qui s'est passée à la fin de la paracha de la semaine passée. Cette paracha, tout de suite, la Torah nous enseigne que Yitro, il avait entendu de tous ces miracles. Et il vient voir Moshe dans le désert, et il demande à Moshe, Moshe le reçoit bien, etc. Il y a les commentaires de la Torah demandent, est-ce que Yitro, quand on regarde la paracha, Yitro il est venu avant Matan Torah, oui, oui, mais il y a beaucoup de, quand on regarde tout de suite la paracha, elle commence Vaishma Yitro Chotel Moshe, etc., et il vient tout de suite, il reçoit, il dit à Moshe comment se préparer pour, etc. Il y a des commentaires qui disent que non, en vérité, Yitro, il est venu après Matan Torah. Parce que qu'est-ce qui a causé à Yitro de venir? Quand Yitro, il a entendu que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il n'était pas. Pour lui, ce n'était pas encore spécial, les commentaires, ils disent. Pourquoi? Parce que lui, il disait, peut-être, toutes les choses que Akadosh Baruch Hu, il a fait aux Égyptiens, c'était pour punir Paro. Mais ce n'était pas pour les Béné Israël. C'était juste pour punir, parce que Paro, on savait bien qu'il était considéré un grand rachat, même aux yeux des Goïm qui étaient autour d'Égypte. Qu'est-ce qui a causé à Yitro de venir dans le désert? C'est quand il a entendu le grand miracle que Béné Israël ils avaient avec les Amalek. Quand Hachem les a sauvés de Amalek, Yitro il réalise que vraiment ça doit être le peuple élu, et il décide de quitter tout l'Avodah Zara, comme les Farshim disent qu'il n'y a pas une Avodah Zara que Yitro n'a pas fait. Il a fait tous les Avodah Zara. Et il décide de sortir, et les commentaires ils disent pourquoi il s'appelait Yitro. Il avait 7 noms. Chovev, Yitro, Yeter. Yeter, un de ses noms c'était Yeter. C'était quoi Yeter? Les sages de la Gemara ils disent Yeter Milachon Yitaron, qu'on a rajouté. À cause de Yitro, on a rajouté une paracha dans la Torah. Et c'est la paracha de Yitro. Bref, quand mon cher Rabbeinu et les Bnei Israël se préparent à recevoir la Torah, le Midrash il raconte que mon cher Rabbeinu il est monté, il est allé mon cher Elahar, oui, il est monté sur la montagne pour recevoir la Torah. Quand il est monté, le Midrash raconte que les malachim, les anges, voulaient l'empêcher de rentrer pour voir, pour parler à Hachem. Oui, ils devaient parler à Hachem. Et les anges voulaient l'empêcher. Alors, il se vient devant Hachem et Hachem lui dit à Moshe, dis-leur ce que tu penses. N'aie pas peur, moi je vais être à côté de toi. Alors, mon cher Rabbeinu, c'était quoi la ta'ana? C'était quoi la. Qu'est-ce que les anges y voulaient? Les anges disaient, Tena odecha ala shamaim. la Torah, elle est si pure, elle est si sainte, elle devrait donner ici. On devrait le garder dans le ciel. Male enosh kitis karenu. Pourquoi tu. Qui est l'homme pour que tu te rappelles de lui? Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre la chose la plus belle que Hachem il a, la chokma de Hachem, et donner aux êtres humains? Oui? Les anges. Les anges voulaient que la Torah reste. Bashamaim, qui reste dans le ciel. Elle sert à rien, non? Pour eux, c'est bien. Donc, qu'est-ce que les anges, c'est assez pour eux. On n'a pas besoin. Hein. Les anges, ils n'ont pas les mêmes intentions que Hachem, il a les intentions. Alors, Moshe Rabbeinu, alors, Akash Bro, il dit à Moshe, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il lui dit, réponds-leur. N'aie pas peur, je suis à côté de toi. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il leur répond? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il leur dit, c'est écrit dans la Torah, Kabel et Avicha et Imecha, oui? Il lui dit, vous n'avez pas de père et de mère. Il lui dit, c'est écrit dans la Torah, hein? Zechor et Yetziat Mitzrayim. Vous êtes Aïm Aïtem Be'etzer Mitzrayim. Est-ce que vous étiez en Égypte? Vous n'étiez pas en Égypte. C'est écrit tous les commandements entre Ben Adam les Chavero. Tous les commandements entre les relations interpersonnelles entre la personne, entre d'autres personnes. Il leur a dit, est-ce que vous avez un Yetzerara? Non. Ils n'ont pas de Yetzerara. Alors il leur a dit, c'est pour cela, vous ne pouvez pas accomplir la Torah, puisque toutes les choses, beaucoup de choses qui sont écrites dans la Torah, vous ne pouvez pas les accomplir. Parce que tout le but, c'est de la Torah de descendre dans ce monde. Ce n'est pas se trouver dans les cieux et rester avec les anges. C'est spécifiquement que la Torah descend ici. Ce matin, on avait appris une sikha, le rabbi il explique, c'est écrit, Vaidaber Elohim et kol advarim haelu le'emor. Que, Vaidaber Elohim, quand on trouve dans beaucoup de versets, Vaidaber Elohim et kol advarim haelu le'emor. Qu'est-ce que ça veut dire le'emor? Ça vient de quoi? Dieu a parlé toutes ces choses pour dire. Pour dire à qui? Alors la plupart des places dans la Torah que c'est écrit le'emor, ça veut dire que Hachem il a commandé certaines choses à Moshe, et Moshe était commandé de le passer au peuple juif. Mais ici, on ne peut pas le dire concernant les Aseret Adibrot, parce que tous les Bnei Israël sont ici. Tous les Bnei Israël, ils ont entendu la voix de Dieu, lui-même. Alors que ça veut dire, Vaidaber Elohim et kol advarim haelu le'emor. Le peuple juif, il est tout là. Là, ce n'est pas une transmission que Hachem, il demande à Moshe de transmettre au peuple juif. Ils sont tous là. Pendant la Aseret Adibrot, ils sont tous là. Ah, que ça veut dire les morts? Alors, une des réponses qu'on aurait pu dire, c'est que c'est pour les prochaines générations. Que Akadosh Baruch Hu, il va dire les 10 commandements devant Moshe, devant tout le peuple juif. Et tout le peuple juif, il va transmettre ces commandements. Aux générations futures. Oui, aux générations futures. À nous. Mais on ne peut pas dire cela non plus. Parce qu'on sait que les Mefarshim, ils expliquent que tout le peuple juif était présent. Même si on n'était pas là-bas physiquement, on était là-bas spirituellement. Notre âme se trouvait à Har Sinai. Oui, comme on dit, ils disent toujours, I met you in Har Sinai. On s'est rencontrés à Har Sinai. Même quand on ne se connaît pas avant, mais on s'est rencontrés, notre âme était là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les morts? Alors, le Magui du Mezrich, il explique que les morts, ça veut dire que on doit appliquer les Asara Ma'amarot. Les Asara Ma'amarot, c'est écrit dans Pirkei Avot, que le monde a été créé avec Asara Ma'amarot. C'est quoi les Asara Ma'amarot? Quand dans la Torah, il nous dit, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé le monde, etc. Vayi or. Ça, c'est les Asara Ma'amarot. Avec quoi Hachem, il a créé le monde. À chaque fois que Hachem, il a dit Vayi or, Vayi or. Il y avait la lumière. Hachem il a dit il y a veille khosher et khosher. Oh, c'est bon. Pizza. Ouais, très vite. Oui, etc. Alors Hachem il demande. Alors il dit comme ça, Vaidaber Elohim, c'est que Hachem il demande, il nous demande de rentrer les Aseret Hadibrot, de pénétrer les Aseret Hadibrot, la Torah dans les Maaseh Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaidaber Elohim, c'est les Aseret Hadibrot. Vaidaber, mais la chose dibour, de parler, les Aseret Hadibrot. Vaidaber Elohim, les Emor, que les Aseret Hadibrot se trouvent et qu'on les amène dans les Asara Mahamarot, qui est le monde lui-même. Ça veut dire quoi? Que le monde, il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, quand on est à la synagogue, on est à la synagogue. Mais quand on est dehors, on n'a pas besoin de la Torah. La Torah, ça se trouve dans le Bet Midrash. Ça se trouve dans la synagogue. Mais dans le monde, oh, on peut faire ce qu'on veut. C'est, on doit se comporter comme les goyim, chas v'shalom. Alors vient ce verset, il nous dit non, Vaidaber Elohim, la Aseret Hadibrot, la Torah elle-même, qui est représentée par la Aseret Hadibrot, on doit les amener dans les Asara Mahamarot, on doit les amener dans notre vie quotidienne. Que se trouve, même que la personne peut dire, écoutez, et le rabbi il continue et il dit que ne pensez pas que c'est des choses qui sont interdites. Bien sûr que les choses qui sont interdites à faire, certainement qu'on n'a pas le droit de faire. Mais même les choses qui sont permises, à chaque chose, la personne qu'elle mange, le Rambam il rapporte que c'est quoi la différence avec un juif qui dort et un non-juif qui dort? C'est quoi la différence? Le Rambam il rapporte quelque chose très intéressant. Quand on voit deux personnes qui dorment, qui vont aller dormir, on ne sait pas c'est qui le juif, c'est qui le non-juif. Comment est-ce qu'on va savoir si c'est juif ou pas? Ça veut dire que c'est une très grande leçon qu'on apprend du Rambam. Ça veut dire que le juif, il doit avoir l'air différent, même au moment qu'il dort. Il dort comme un juif. Il mange comme un juif. Il va au travail comme un juif. C'est pas qu'il y a la Torah, il y a le monde et il y a le juif, lui, c'est séparé. Non! Même dans la vie quotidienne, le Rambam il rapporte que quand la personne elle va dormir, le juif il va dormir, il commence et il s'allonge sur son côté gauche. C'est comme ça le Rambam il dit. Au début de la nuit, il doit dormir sur son côté gauche. Le Rambam il amène aussi une raison. Pourquoi? Parce que le foie se trouve. Le Rambam, c'est un docteur. Alors il nous dit, écoutez, il faut dormir. Ça aide la digestion. Le foie, il est de ce côté. Alors il faudra se dormir de son côté gauche. Après, on se tourne. Plus tard, pendant la nuit, si on se tourne, ça ne change rien. Mais au moment qu'on va dormir, on va aller dormir comme un juif. Quand on va manger comme un juif. Et c'est ça la leçon qu'on apprend. Vaidaber Elohim, que la serre est à Dibrot. Doit être amené dans les Asara Mahamarot qui représentent le monde. Pas que la Torah elle est une chose et le monde c'est une autre chose. On doit les joindre ensemble et que la Torah se trouve dans le monde lui. Ça c'est la leçon. Ça c'est la leçon aussi que Moshe il dit aux anges. Vous n'avez pas un Yetzer Hara, vous n'avez pas des mitzvot, vous ne pouvez pas descendre la Torah dans ce monde. La Torah a été donnée pour qu'on la ramène dans le monde. D'ailleurs, la Torah et le monde, il y a une histoire très intéressante avec Rabbi Elazar. Avec Rabbi Elazar et Chachamim. Une histoire très intéressante. La Gemara raconte qu'il y avait une machloket. Différence d'opinion sur une certaine halakha. Bon, on ne va pas rentrer dans l'halakha. Ça s'appelle Tanur Shel Chonia. On ne va pas commencer dans les détails parce que c'est assez compliqué. Mais ils avaient une différence d'opinion sur ce Tanur. S'il reçoit Touma, s'il ne reçoit pas de la Touma, etc. Alors, Gemara, elle dit que Rabbi Elazar, il n'a pas accepté l'opinion des Chachamim. Et ils étaient dans le Bet Midrash. Alors, Rabbi Elazar, il leur dit, au Rahamim, au sage, il leur dit, si la halakha, elle est comme moi, que ce mur tombe. Et le mur est tombé. Il leur a dit, les Rahamim lui ont dit, on fait pas attention à ces genres de miracles. Et bon, puisque le mur est allé, il n'est pas tombé, mais il est devenu très croche. Excusez-moi, pas qu'il tombe, qu'il devient croche. Ils l'ont pas écouté. Alors ils sont tous sortis parce que le Beit Midrash, ils allaient tomber. Ils sont arrivés à côté d'un arbre, il leur a dit, si c'est la halakha, elle est comme moi, que l'arbre fait ça. L'arbre a fait ce qu'il a demandé. Ils sont arrivés à un ruisseau, et il leur a dit que l'eau tourne de l'autre côté. Le ruisseau, il allait de ce côté, il tournait de l'autre côté. Plein de miracles qui se passaient, et les chachamim n'ont pas accepté. À la fin, il a dit, si la halakha, elle est comme moi, chétitse bat kol, qu'une voix du ciel sort et qui dit « Alakha ki Rabbi Elazar ». Et il y a une voix qui est sortie du ciel, elle a dit « Malachem etzel Rabbi Elazar ». Ça veut dire que vous êtes... Qu'est-ce que vous faites à côté de Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, c'est « Alakha k'motom et kol makom ». Rabbi Elazar, il était un niveau plus haut que le Chachamim. Qu'est-ce que le Chachamim lui ont dit? « Ena Torah min ha-shamayim ». On n'écoute pas le ciel. Pourquoi? Non, une seconde, qu'on comprenne. Ça veut dire qu'on n'écoute pas le ciel. Ça veut dire que Hachem, il a donné la Torah au Bnei Israël dans cette paracha. C'était pas comme... Salut tout le monde. Bonjour, Rémi Abaye. Ici, il y a plus C'est vrai. Je vais tous les ans au Maroc. C'est bien. Pour la Ayoula. Plaisir de vous voir. Ah, c'est pour la Ayoula de Rabbi Israël. Ah oui, il sera. Continue. Alors, bref, le point, c'est que la Torah a été donnée ici dans ce monde. Et quand la Torah a été donnée dans ce monde, c'était pas juste une chose que, oui, voilà, la Torah, elle est ici, et elle se trouve ici, en haut aussi. Non, en donnant la Torah au peuple juif dans cette paracha qu'on apprend, que Hachem, il nous a donné la force, il a donné au Chachamim aussi. On dit Mekadesh Israël Vazemanim, oui, que le peuple juif, il a la force de sanctifier, oui, le peuple juif, il a la force de sanctifier les Chagim. Ça veut dire que quand le mois de chaque mois qui arrive, quand il y avait le Bedin, il pouvait sanctifier le mois, et il disait, Chodesh Malé, c'était un mois qui a 30 jours, un mois qui a 9 jours, pour savoir quand est-ce que les Chagim vont tomber. Ça veut dire qu'Hachem, il a donné la force au peuple juif, avec la Torah, de décider qu'est-ce qui va passer dans la halakha. Même qu'on voit que le ciel lui-même, il a dit, « Halakha ki Rabbi Elazar !» Les Chachamim lui ont dit, « Ena Torah min ha-shamayim !» Ena Torah b'shamayim, excusez-moi, la Torah ne se trouve pas dans le ciel. Ah, elle est mina shamayim, lo b'shamayim, excusez-moi. Torah mina shamayim, ava lo b'shamayim. Et c'est pour cela, la Gemara, elle continue dans l'histoire, et elle dit que Rav Amnouna, il a rencontré Eliyahu Hanavi après. Je vais dire, oui, je vous ai la continuation de l'histoire. La Gemara, elle raconte que Rav Amnouna, il a vu Eliyahu Hanavi après, et il lui a demandé qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il faisait pendant la dispute entre Rabbi Elazar et Chachamim. Alors Eliyahu Hanavi lui a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il souriait, il a dit Natsrouni banai, Natsrouni. Hachem, il a dit, mes enfants m'ont vaincu. Même que Akadosh Baruch Hu, ça se peut d'un niveau. La halakha était comme Rabbi Elazar, mais puisque en la Torah bashamayim, la Torah se trouve ici dans ce monde, et on sait qu'il y a une règle dans la halakha, halakha ki rabim. Même ça se peut que Rabbi Elazar, il était à un niveau, il y a beaucoup de commentaires qui disent Rabbi Elazar, il était à un niveau beaucoup plus haut que Chachamim dans la halakha. Mais Pesach. Puisque les Chachamim, hein? Pesach, Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, dans la Haggadah. Il était, même qu'il était très puissant, il était à un niveau beaucoup plus haut. mais on sait qu'il y a une règle. Quand ça vient à l'Alakha, Alakha Kerabim. Et puisque les Chachamim, ils ont dit, à Torah, Lo Bashamayim, à Torah se trouve ici. Et si la Torah se trouve ici, Alakha Kerabim, il y a une règle. Ouais, mais Alakha Kerabim, tant qu'elle ne dévie pas de la Constitution. Non, sûrement, certainement pas. Quand c'est une Alakha qui n'est pas claire, qui n'a pas été. Si c'est dans il y a aussi une Mahlok et dans ça, quand c'est une Alakha de Moshe Misinaï. Bon, il n'y a pas de machloket, Mais quand c'est certaines choses qui avaient pas, des choses qui n'ont pas été dévoilées dans la Torah, et il y a une machloket, comment on apprend les psukim, alors là, on suit le rabbim. Si le rov, la majorité dit que non, la halakha est comme ça, c'est ça la traduction du verset. Comme ça, on apprend les versets, alors on doit suivre la halakha. Pourtant, actuellement, on a des halakhot où les ashkenazim font quelque chose, les sfaradim font. Alors je vais vous dire. Premièrement, ce qui concerne dans le Shulchan Aruch, si on regarde dans l'introduction du Shulchan Aruch, le Beit Yosef lui-même, quand il a écrit le Shulchan Aruch, il a écrit aussi une introduction. Et le Rama. Le Beit Yosef, sinon je vais juste donner un petit peu de background. Le Beit Yosef, c'était Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch, qui est la halakha que les séfarades suivent. Rabbi Yosef Karo, il a pris comme position halakhique l'opinion du Rif, Rabbi Yosef Yitzhak Elfassi, qui habitait à Fès, au Maroc. Il a vécu il y a environ 1000 ans, plus que 1000 ans, un peu plus, 1080 ans, quelque chose comme ça. 1000 ans avant le Rambam. Oui, le Rif, d'ailleurs, je vais arriver au Rambam. Alors, le Rif, c'était le grand Possek, et il y avait aussi le Rambam, qui environ, je dirais, 200, quelques années après le Rif. Mais non, le Rambam lui-même, il suivait l'opinion la plupart du temps du Rif. Parce que le Rif, c'était le grand. C'est-à-dire, le Rambam, son père s'appelait Rabbi Maimon. Oui ? Rabbi Moshe ben Maimon. Prosper. Oui ? Pas Prosper, Maimon. Le Rif était avant le Rambam, quand même. Rabbi Yitzhak, le Chaim. Zchuto tagen aleinu. Le Chaim. Amen, Chaim. Alors, écoutez, avant qu'on finisse, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Non. Alors, on continue. Maintenant, le Rambam, qui est venu, je vais juste répondre à ça. Le Rambam, il a suivi aussi beaucoup, il est venu après, et il a suivi beaucoup les opinions du Rif. C'est plus ou moins les mêmes opinions. Le Rambam, il habitait en Espagne, le Rif habitait au Maroc. Moi, il avait dû à faire aussi. Oui, il y avait un temps qu'il était encore un jeune homme, il est venu avec son père. Il est venu avec son père au Maroc. Il a vécu à Fès. Oui. D'ailleurs, sa maison était toujours. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, ça c'est. Ça. Alors, quand le Beit Yosef, il est venu, il a écrit, Rabbi Yosef Karo, il a écrit son Shulchan Aruch, il a suivi beaucoup de fois les opinions du Rambam. Excusez-moi, Rabbi Yosef Karo a vécu quoi, 1000 ans? Non, Rabbi Yosef Karo a vécu il y a 450 ou 500 ans après environ. Rambam. Oui, beaucoup après le Rambam. Le Rabbi Yosef Karo, il était d'une famille qui sont sortis de l'Inquisition. Une seconde. Et Rabbi Yosef Karo, il était d'une famille qui est sortie de l'Espagne, de l'Inquisition, qu'ils ont quitté en 1492. C'est ça, 1592. Et ils ont quitté Il a quitté pour directement pour. Ils ont quitté l'Espagne. Pour Israël. Et après, ils sont partis en Portugal, en Portugal. Et après, du Portugal, ils sont arrivés en Eretz Israël. Et comme dans ce temps-là, la plupart des gens qui habitaient en Eretz Israël, c'était à Tveria et à Tzfat. Il y avait des gens aussi à Yerushalayim, un peu à Hebron, mais Tzfat, il y avait beaucoup, il y avait une très grande communauté à Tzfat. Après ça, tous les grands sages qui étaient en Espagne sont beaucoup venus à Tzfat. Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Shlomo El Kabet qui a écrit l'Olecha Dodi, Abou Lafia et Askari, Rabbi Askari, c'était plus ou moins la même génération. C'était des géants qui se trouvaient à Tzfat. Ça s'appelait le Dor HaZahav, la génération de l'or. Bon, maintenant ça c'est le Beit Yosef. Maintenant, Beit Yosef, quand il a écrit le Shulchan Aruch, ces livres sont arrivés en Ashkenaz, dans les pays Ashkenaz, en Pologne, etc. Et il avait beaucoup de... Il n'y a pas tout le monde, pas beaucoup qui l'ont accepté. Le Rama, qui est Rabbi Moshe Iserlich, quand il a vu le Shulchan Aruch, lui-même il avait écrit aussi un Shulchan Aruch, et il dit qu'il a vu que s'il allait publier son Shulchan Aruch aussi, alors le peuple juif, ils auraient eu deux Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch Ashkenaz, le Shulchan Aruch. Alors nous on a un seul Shulchan Aruch. Il y a l'opinion du Rabbi Yosef Karo. Le Rama, il rapporte, je reviens à votre réponse maintenant, le Rama, il rapporte que lui, la plupart des halakhot sont des halakhot. C'est les mêmes halakhot. Les différents minhagim, ça c'est que ce que Rabbi Moshe Isherlich il avait fait. Lui-même, il rapporte dans sa Hagdama, dans son introduction du livre du Rama, il rapporte que lui, il est venu rapporter les minhagim, les coutumes ashkenazes dans le Shulchan Aruch, que ses grands-pères, son arrière-grand-père et son arrière-grand-père, pendant des générations, jusqu'à Rashi, ils avaient ces coutumes-là, et ils ont continué à garder ces coutumes. Parce que le Rama et la halakha ashkenaz, ils suivent plus ou moins l'opinion de Rashi et de tous les Baalei HaTosfot. C'était plus ou moins les Baalei HaTosfot, les Tosfot, ils habitaient... C'est fils, mais il y avait plus que ça aussi, ses gendres. Il y avait beaucoup de ses gendres, oui. Parce qu'il n'avait pas de garçons. Il n'avait pas de garçons. Alors, plus ou moins, tous les Baalei HaTosfot, ils habitaient aussi, ils ont vécu, excusez-moi, aussi, au temps du Rambam, ou le Ramban, le Rashba, etc., tous ces grands rabbins. C'est intéressant que vous demandiez cette question, parce que c'est très relié à la paracha, c'est Matan Torah, cette paracha. Oui, mais l'eau va vite. Il n'y a pas de manhag que l'eau. Certaines choses. Les chassidim, ils ont beaucoup adapté les halakhot, un peu séfarad, un peu ashkenaz. C'est comme un petit... certaines choses. Le minhag, il est comme chez nous, comme les lectériens et les libanais. Parce qu'ils vont selon beaucoup de choses sur la Kabbalah. Le Rabbi Lubavitch m'a un jour rendu une réponse et m'a dit suivre le Shulchan Aruch. Mais il ne faut pas oublier aussi que lequel? Tanya... Il a aussi son commentaire sur français. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si on regarde le premier rabbi de Chabad, c'est Rabbi Schneor, oui, qui a écrit le Tanya. Bah, son arrière-grand-mère, elle était séfarade. Personne, vous savez pas ça, hein? Non. L'arrière-grand-mère du Baal HaTanya, le premier rabbi de Chabad, elle était séfarade. Son père, il s'appelait Rabbi Baruch. Ils étaient aussi de l'Inquisition, de l'Espagne. Et ils sont arrivés dans cette ville, je ne me rappelle pas le nom de la ville. Et le quartier où elle a grandi, son arrière-grand-mère, elle s'appelait Shrunata Portuguesi. En Russie. Je ne sais pas où ils étaient. En Pologne. Oui, en Pologne. Ils étaient en Russie, eux. Ils étaient en Russie. C'est sûr, ça. Ouais. C'est intéressant. Parce que remarquez, Schneor. Si Schneor, comme nom de famille, c'était très commun, hein, comme nom séfarade. Il y a Rabbi David Schneor qui habitait en Espagne. Pas comme premier nom, mais comme nom de famille, il y en avait beaucoup. J'ai trouvé beaucoup de Haramim séfarades qui habitaient en Espagne, qui avaient un dernier nom qui s'appelait Schneor. Oui, mais il y avait des Ashkenazim. C'est très intéressant. Il y avait des Ashkenazim en Espagne. Il y avait plein. Le nom de l'Espagne, les Français. Ça dépend comme Provence aussi. La Provence, ah, la Provence en parade. Mais il y avait aussi un peu d'Ashkenaz. C'était plein. Parce que c'est sur le... De Narbonne, Avignon, Il y a plein. Parce que il y avait des places en Espagne qui c'était sur à côté de la France plus, etc. Alors il y avait des Ashkenaz aussi. La France, ils sont partis aussi. Bon, revenons maintenant. Je vais continuer juste un petit peu avec Matan Torah. On avait parlé avec les anges. Maintenant, une petite histoire avec Rabbi Akiva. Après que nous on a parlé au début du shiur, on avait parlé que quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel et il a vu des anges, lui ont dit mais laisse la Torah devrait rester ici. Il leur a dit vous avez pas de etc. Vous pouvez pas pratiquer la Torah puisque la Torah hein, elle a des choses que vous en avez pas, vous pouvez pas accomplir kibbout avaim, vous avez pas de parents etc. Quand finalement Hachem il a dit aux anges bon vous avez vu il est fort, hein, Moshe. C'est bon, laissez-le tranquille. Ils pouvaient pas, ils n'avaient pas de réponse pour Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il est rentré, c'est rapporté dans le Midrash, il voyait que Hachem il était en train d'écrire la Torah. Bon, comprenez que c'est une parabole. C'est pas exactement Hachem s'asseoir en train d'écrire, oui. Et il voit que Hachem sur les lettres de la Torah, hein, il met des couronnes. Vous savez, le keter, les tagim, vous savez, sur les lettres, il y a comme des petits points avec des traits qui ont l'air d'une couronne. Et Moshe Rabbeinu se tourne vers Hachem, il lui dit Mimonea mimcha la tête et ta Torah. Qui prévient de toi de donner la Torah de la façon qu'elle est? Pourquoi on a besoin de ces petites couronnes? Hachem, il dit à Moshe, tu sais que plus tard, dans des générations plus tard, il y aura un étudiant qui s'appelle Akiva Ben Yosef, qui est Rabbi Akiva, Sheye Doresh Tele Tilim Shel Alachot, qui va être Doresh, qui va trouver des milliers de Alachot juste à cause de ces couronnes, de la façon qu'ils sont faits. Alors, Moshe, il a dit, alors c'est lui qui devrait donner la Torah. Est-ce que je peux le voir? Il lui dit, pas de problème, tourne-toi. Mon cher Rabbeinu se tourne et il se trouve dans le Bet Midrash de Rabbi Akiva. Oh, des milliers d'années plus tard, oui, comprenez. Dans la huitième rangée... Science-fiction. Oui, voilà. Dans la huitième rangée, c'est une Ashgacha pratique qu'on raconte des histoires de Tzadikim, c'est de Rabbi Yitzhak. Alors, dans la huitième rangée de Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu se trouve et Rabbi Akiva, il est en train de donner son discours de Torah. Et Moshe Rabbeinu, il ne comprend rien. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va donner la Torah. Il ne comprend pas qu'est-ce que... Et le plus qu'il parle, les étudiants demandent des questions à Rabbi Akiva, le plus qu'il parle... Et le plus que Moshe Rabbeinu, il veut se mettre en dessous de la table, il veut disparaître. Et le Midrash il raconte que la dernière halakha avant qu'ils en finissent, un des étudiants lui dit à Rabbi Akiva, c'est quoi la source de la halakha que tu viens de dire? Il lui dit halakha le Moshe Misinai. Il l'a sauvé. Et le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu il était tellement content. Moi, il dit quelque chose que, à mon nom. Ça veut dire que je comprends quelque chose à la fin, ou je sais pas. Il accomplit quelque chose quand même. Il accomplit quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Premièrement, il y a une très belle leçon qui a rapporté de cette histoire. La Torah, elle vient nous enseigner. Dans un autre Midrash, on trouve que la Gemara, elle dit que tous les Tridushim que chaque étudiant qui dit dans chaque génération, a été déjà donné à Moshe Rabbeinu au Sinaï. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il savait tout déjà. Je n'ai pas compris. Ah, c'est ça. Parce que premièrement, la Torah, elle n'a pas été encore donnée. Seconde. Premièrement, c'était avant Matan Torah. C'était une seconde. Ils ne le savaient pas encore. Hein? Ils ne le savaient pas encore. Ça, c'est une réponse. On peut trouver une autre réponse aussi. On va en discuter. Alors, premièrement, la très belle leçon qu'on apprend, que Rabbi Akiva lui-même, il était Il n'était pas quelqu'un qui est venu d'une famille de prodigieuse, de Talmide Chachamim, etc. C'était un Ben Guérim. Ben Guérim, oui. Ses parents. Il s'est converti. Ses parents, c'était des... Ses grands-parents, ils disent. Oui, il y a une opinion qui dit que c'est ses grands-parents et un venant, c'est ses parents. Mais je pense que l'opinion qui est acceptée, c'est ses grands-parents qui ont été convertis. Et lui, ses parents, c'était déjà les parents. Il a commencé à apprendre la Torah à l'âge de 40 ans. À 40 ans. Oui, parce que sa femme lui a dit que voilà. Il n'a pas eu d'enfant. Hein? Il n'a pas eu d'enfant. C'est pas rapporté, c'est vrai. C'est pas rapporté dans la Torah. Ouais, il avait. Oui, il a un enfant. 12 et après 12 ans. Une fille, je pense. Je ne sais pas, dans la Gemara, j'ai jamais trouvé qu'il y avait un chacham qui s'appelait Ben Akiva ou quelque chose comme ça, mais ça se peut qu'il a, il avait 24 000 étudiants, oui, Rabbi Akiva. 24 000 étudiants. Ouais, c'est toute l'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai. En tout cas, alors, c'est quoi la leçon qu'on apprend de cette belle histoire? La leçon, elle est comme ça. Rabbi Akiva, il n'était pas venu d'une famille religieuse, comme on avait dit. Non. Et la Torah nous enseigne que même qu'une personne, oui, dans cette histoire, on apprend que même qu'une personne peut venir pas d'une famille très prodigieuse de rabbins, et qu'il est venu de Guérim, etc., et qu'il a commencé à étudier la Torah à l'âge de 40 ans. À l'Evbet à 40 ans. 40 ans. Oui. Quand même, il peut faire des chidushim. Même des chidushim que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, ne comprenait pas. La Torah, le Midrash nous enseigne cette leçon, comment, à quel niveau d'étude une personne, si elle est persistante et si elle a un vouloir d'étudier la Torah, elle peut venir. Ça, c'est une petite belle leçon. Mais il y a une question sur ce Midrash. Quand on regarde dans le Midrash, Moshe Rabbeinu, c'est rapporté que Moshe Rabbeinu, c'était Vaish. Moshe Anav Nicolas Adam, que Moshe Rabbeinu, il avait la plus grande Anava, la plus simplicité qui peut exister. Que c'était le plus grand. Et c'était d'ailleurs, exactement, c'était le plus grand. Et c'était d'ailleurs pourquoi, c'est raconté dans le Midrash, c'est pourquoi que Hachem l'a choisi. Pourquoi Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu? Pour sa bonté. Pour sa bonté. On a dit que c'était plutôt. Pourquoi? Avec la brebis, l'histoire avec la brebis. Mais c'est aussi. Une personne qui a une certaine bonté comme ça, c'est juste parce qu'il a un anava. Une personne qui n'a pas d'anava n'a jamais allé tirer une brebis. Vous connaissez l'histoire quand on la brebis est zimbabée. Anava ne peut pas être bon. Hein? En fait, anava ne peut pas être bon. C'est pas automatique. Je ne vois pas d'automatisme. Ça dépend de quelle bonté vous parlez aussi. Mais une personne qui a une anava, une personne qui a une simplicité, d'habitude, il a un caractère de très bonne bonté. Mais en tout cas, on va pas en discuter dans ça. Alors, Moshe Rabbeinu, on dit qu'il avait une anava. C'était quoi la anava de Moshe Rabbeinu? C'est certainement pas. Regardez, une personne qui dit, qui connaît beaucoup de Torah et qui dit, ah, je ne suis rien et tout ça, c'est un mensonge. C'est pas une anava. Une personne qui dit, c'est une grande personne. Oui, une grande personne, hein, il connaît beaucoup de Torah, il te dit, non, moi je ne suis rien, je... C'est des mensonges. C'est pas une anava. La anava de Moshe Rabbeinu, c'est expliquer que Moshe Rabbeinu connaissait tous ses ma'alot. Il connaissait qu'il était un grand. Mais à la fin de la journée, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, c'était le plus grand. C'est le seul qu'on appelle Moshe Rabbeinu. Il n'y a personne d'autre. Moshe Rabbeinu, il reconnaissait tous ses ma'alot. Il reconnaissait tous sa grandeur. Et avec, en connaissant toute sa grandeur, qu'est-ce qu'il disait? Que si la Torah aurait été donnée à quelqu'un d'autre, il aurait pu faire encore plus. Ça, c'était la grandeur. Il reconnaissait, c'était pas un menteur, Chas de Shalom. Sa simplicité qui reconnaissait que chacun de nous, ici dans cette chambre, qu'il aurait eu les mêmes forces qu'Hachem a donné à Moshe Rabbeinu, il aurait pu accomplir tous les niveaux que Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la anava de Moshe Rabbeinu. Reconnaître ses ma'alot, se reconnaître, et pensant qu'une personne, si elle avait les mêmes choses que lui, il aurait pu faire encore mieux que lui. Ça, c'est une vraie anava. Ça, c'est pas une anava de je fais, oui, non, il se cache, ça, c'est pas une anava. Une personne doit reconnaître ses défauts, il doit reconnaître ce bien. Moshe Rabbeinu, il reconnaît que chacun de nous peut arriver au même niveau que Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une vraie anava. Ça, c'est Vaish Moshe Anam. Excusez-moi, vous voulez dire quelque chose, vous avez... Moi, je voulais dire. Oui. Comment ça se fait qu'on attend la paracha du micro, la semaine prochaine, cette semaine? Cette semaine, oui, oui. Et là, c'est là où on donne Matan Torah. Allô? Pourquoi? Yitro, probabilité, oui. Pas juif, et s'est converti, d'accord. Okay. Oui. Et pourquoi attendre juste, pourquoi Yitro? Pourquoi pas une autre paracha? Non, il a le mérite, Yitro. Yitro est le même. Pardon, excusez-moi. Oh, tu comprends? Non, non, allez-y, allez-y, moi, je vous écoute. J'aimerais bien écouter. Le mérite, je l'ai lu dernièrement. Ouais. Il a étudié, il a pratiqué toutes les religions. C'est ça, c'était ça le début du chiot. C'était ça. Il a pratiqué toutes les religions, il a dit, ça va, c'est lui. C'est ça son mérite. Et quand même, il fallait attendre. Premièrement, il va mettre par rapport à de Moshé. En allant un petit peu, regardez, en toute simplicité, ce que. Peut-être la question devrait demander aussi, toute simplicité, les Israël sont sortis d'Égypte. Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Tout le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. C'était Matan Torah, c'était pour ça. Alors, dès qu'ils ont passé, ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé le Kriyat Yam Souf, la mer, etc. Ils étaient prêts à recevoir la Torah. Mais. Alors la question, elle n'est pas pourquoi d'Afghan en ce moment. C'est-à-dire que c'était la chose naturelle que la Torah elle est devenue maintenant. Pourquoi la Torah doit nous enseigner qu'en ce moment-là, Yitro est venu? Alors on avait commencé au début des chiures. Premièrement, il y a des opinions qui disent que Yitro est venu après Matan Torah. Ah oui. Le Ramban, il y a d'autres commentaires qui disent qu'il n'y a pas toujours un ordre. Il n'y a pas d'ordre, oui. Il y a une opinion qui dit que Bichlal Yitro il est venu après Matan Torah. Mais selon les opinions qu'il est venu avant Matan Torah, je vais vous répondre. Les opinions ils disent que Yitro, parce qu'il était un tellement grand, c'était un prêtre de la Avodah Zara et qu'il n'y avait pas une Avodah Zara qu'il n'avait pas pratiquée. Alors qu'avant Matan Torah, une personne comme ça, aussi grand, parce qu'il était assez grand, et reconnaître que Dieu. C'est le seul unique Dieu, comme il a dit. Shaviadat, et maintenant je sais que c'est le Dieu. Ça a donné une très grande force avant Matan Torah, parce que c'est comme quelqu'un qui a fait tous les Avodah Zarah, maintenant il vient. C'est comme il vient renforcer encore plus. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que lui, le seul miracle qu'il a complètement bouleversé, c'était Kéléat Yam Souf. Alors que tous les 10. Les 10 Makot qui sont peut-être plus importantes. Oui, ils n'ont pas impressionné autant que Kéléat. Ouais, vous avez fait le Harachaim cette semaine. Ah oui, c'était vachement. On avait dit ça au début du shiur aussi que. Pourquoi c'était comme ça? Parce qu'on avait dit pourquoi ça n'a pas impressionné les 10 Makot. Parce que les 10 Makot, on a dit que peut-être Hachem. Il voulait, c'était pas une indication que Hachem le faisait pour le peuple juif. Peut-être c'était pour punir Paro. Mais Kriyat Yam Souf et la guerre de Amalek, ça c'était une indication que Hachem. Le point final. Le tampon. Alors c'est pour ça, il a dit si ça, Hachem, maintenant qu'il a fait ce miracle au peuple juif, ça veut dire que c'est le peuple élu. Exactement. Et je suis prêt à. Maintenant, retournons à la question. Maintenant, si Moshe c'est le plus grand Anav, oui? Comment est-ce qu'on trouve dans le Midrash? Le Midrash, quand on voit que Moshe, il ne comprend pas quelque chose, il est. Ils se sent mal. Tout d'un coup, quand il dit Ah, la chale Moshe et Sinaï, ah, il est content. Il a dit quelque chose en mon nom. C'est quel genre de. D'Anavaz. Quel genre d'Anavaz? Ça y est, on a dit quelque chose à ton nom, tu es tout content? C'est quoi ça? Non, il a peut-être pensé. Hein? Il a peut-être pensé que l'interprétation. Oui. N'a pas été dans la bonne direction. Mais il ne comprenait pas selon. Mais justement. Selon Midrash, il ne comprenait rien. Pas parce qu'il pensait que. Peut-être l'interprétation, elle n'était pas. L'interprétation était. Mais le Midrash, il dit qu'il était assis. Il était. Comprenait. Mais dès qu'on a dit quelque chose à son nom, Ah, il est tout content. Même si. Qu'est-ce que ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Même, quand même, on est quand même être humain, un être humain. Non, il a encore, il comprenait pas tout. Et après, il y a quelqu'un qui lui a part de lui. C'est quand même, il faut être humain. C'est comme ça, quand même, il a donné un peu de vie. Il a donné un petit peu de vie. Si vous aurez dit ça concernant moi, alors je vous aurais dit, ouais, c'est, vous avez raison. Mais Moshé, enfin, Moshé. C'est quoi la leçon ici? Alors il dit, la leçon est très belle. Très belle leçon ici, que le rabbi l'explique, il est comme ça. Moshé Rabbeinu, qui sont trouvés dans le Beit Midrash, c'est écrit dans le Pirkei Avot, Moshé qui biel Torah Misinai, Vemazra, les jours les skénés. Là, Cheikh Knesset Agdola, etc. Moshé Rabbeinu se trouve dans le Beit Midrash et il voit cet homme, Rabbi Akiva, quand même, c'était. Alakha Kmoto Bekol Makom, l'Alakha est sur Rabbi Akiva, donc. Et il voit un grand ami de Chacham, et Rabbi Akiva, il est Doresh, il explique toutes les Alakhot, des Alakhot complexes. Mais il voit que Rabbi Akiva, il n'a pas de Rabbi. Il n'a pas de. Un guide pour le guider. Il le dit, c'est Alakhot, tous ces enseignements de Rabbi Akiva sont dits. Au nom de qui? Au nom de qui? C'est qui ce Rabbi Akiva? Il dit jamais rien. Est-ce qu'il a un père? Est-ce qu'il a un grand-père? Est-ce qu'il a des sages? Est-ce qu'il suit la Torah qui a été donnée à Har Sinaï? C'est qui ce Rabbi Akiva? Est-ce qu'il invente? Est-ce qu'il amène des nouveaux concepts dans la Torah qui n'existent pas? Même que. Moshé Rabbeinu, même qu'on va dire Moshé Rabbeinu, peut-être il ne comprenait pas. Mais c'est quoi la source de Rabbi Akiva? D'où est-ce qu'il vient? Mais il a dit la phrase à la fin. À la fin, quand Rabbi Akiva il dit Alakha la Meshem Sinai. Là, il a dit. Ça veut dire ça. Il dit, c'est pas que Moshé Rabbeinu, il est content qu'il a mentionné quelque chose en ce nom. Il réalise que Rabbi Akiva, il suit le chemin de la Torah. Il réalise que Rabbi Akiva, il n'a pas inventé des inventions dans la Torah. Il voit que c'est la Torah que Hachem il a donnée à Har Sinaï. Que Rabbi Akiva lui-même, il suit cette Torah et il suit cette Masoret, l'ordre que la Torah a été donnée. Et c'est pour ça, Moshé Rabbeinu, il dit ah, Lo Alman Israël, voilà. Le peuple juif n'est pas orphelin. Le pas orphelin, il y a des sages qui suivent la Torah. C'est ça. Un autre point. Je voulais rapporter. Combien de temps on a encore? 5 minutes. Un dernier point. Il y a toujours une question que. Comment est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on peut expliquer la Torah, Matan Torah, naturellement? Ça veut dire que. C'est quoi la preuve naturelle que la Torah ait vraiment été donnée? C'est quelque chose que les scientifiques, même non-juifs, toujours été préoccupé par cette question. C'est quoi la preuve que la Torah? Il y avait vraiment Matan Torah. Comment est-ce qu'on sait? Il y a quelqu'un ici qui peut me dire, on est tous des croyants, oui, des Bnei Israël, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Mais une preuve logique. Est-ce qu'on peut trouver une preuve logique pour Matan Torah? Que ça s'est vraiment arrivé? Alors je vais vous dire comme ça. Expliqué, il y a quelque chose dans la science, il y a une règle. Si on a des gens, certaines personnes qui viennent et qui nous disent, voilà, on a vu des éléphants qui volent. Bon, on ne va pas les croire. Mais s'il y a... Une preuve. Non. S'il y a 100 personnes... S'il y a après 100 personnes qui viennent, ils disent, oui, on a vu des éléphants qui volent. On va les croire. Et 1000 d'autres. Alors il y a une règle scientifique qui dit que s'il y a certains témoins qui viennent et qui disent quand même qu'ils ont vu des choses qui sont au-delà de la nature, c'est impossible. Il y a une règle qui dit c'est prouvé. C'est-à-dire les sciences aujourd'hui. Ah, c'est-à-dire les omnis, tout ça. Oui, mais il n'y a personne qui a jamais dit oui, qu'on l'a vu. Ils ont trouvé un squelette 50 millions d'années. 50 millions d'années. Oui, 50 millions. C'est pas la télévision. Je sais, mais c'est une théorie. Ils ne savent pas. Ils ont, il y a pas une date qui est écrite sur l'os. Non. Mais avec le truc. La théorie. Selon le peuple juif, selon le peuple juif, le premièrement, le monde n'existe pas pour 50 millions d'années. On n'en croit pas dans ces choses. Ça veut dire que c'est ce qu'ils ont trouvé un squelette très très vieil, mais 50 millions d'années. La différence, c'est que quoi ? C'est que dans toutes les autres religions, ils disent qu'il y a eu un homme qui a eu un message de Dieu. C'est ça. Ça, c'est déjà la différence. Pour Israël, dépendant des opinions, entre 3 millions et 13 millions de personnes, c'est ça. Reçu la Torah directement. C'est ça la différence. Ça, c'est déjà la différence qu'on trouve entre les religions, avec l'islam par exemple. Et monsieur l'athlète, Amadi Ben Kodesh le Chol, que eux, c'était vraiment une personne, qu'ils ont dit on a eu une révélation. Il n'y a personne qui était là-bas, et c'est incroyable quand même. Que, comment il s'appelle Mohammed. Là, je dis l'Ev Avdalot, c'était une personne qui a dit Dieu qui s'est révélé à moi. Il n'y a personne qui a témoigné cette révélation. Tandis que Matan Torah, il y a, vous savez, quand vous racontez une histoire à quelqu'un, imaginez-vous, ça passerait entre 600 000 personnes. À la fin, c'est pas la même histoire, hein. Mais le gars qui s'est cassé le bras, il est déjà enterré après 600 000 personnes. Les musulmans étant dit que nous, on a refusé la Torah la première fois. Non. Ils l'ont accepté parce que l'ont refusé. Quand ils sont du Moshe Ben et dans la Akeda, c'était Ishmael. On a refusé la Matan Torah, eux ils l'ont pris. Je sais, parce que nous, on le dit, c'est écrit dans la Gemara. Ouais. Quand ils voulaient donner à tout le peuple, après, ils ont changé certaines choses. Exactement. Mais le point, c'est que ici, on a Matan Torah, c'est Shishim Ribo. 600 000 hommes âgés, plus de 20 ans jusqu'à 60 ans. Combien de femmes, et on voit que tous ils ont dit exactement la même chose. C'est impossible de trouver quelque chose comme ça. Certainement chez les juifs, un gars il dit quelque chose, il y a quelque chose qui. Il y a 600 000 personnes, il y a 600 000 personnes. Et ils ont tous dit la même chose. Et on voit ces mêmes générations, depuis Matan Torah, il y a ceux-là qui sont arrivés en Turquie, au Maroc, en Espagne, en Ashkenaz, en Pologne, et ils racontent tous la même histoire. Avec une petite différence, chacun, ils ont leurs coutumes, chacun a leur tradition, mais la Torah, elle est toujours la même Torah. Exactement. Et scientifiquement, c'est une preuve que la Torah est arrivée, que la Torah t'est même. On l'avait dit, et les hommes pensent qu'il est en haut. Ouais. Vous connaissez cette histoire. Mmh. Mais parce que une des choses qu'ils ne voulaient pas, c'est que les gens vont faire Avodazara sur la tombe de Moshe Rabbeinu. Mais quand on va premier Rabbi Meir ou quelque chose, Rabbi c'est Avodazara ça. Non, mais Moshe Rabbeinu, c'est pour le rêver. Quand on va écrire des noms et c'est vrai. Mais ça, c'était une chose que Hachem il voulait cacher, Moshe Rabbeinu. Oui. Pourquoi on reconnaît l'État juif d'Israël, il n'y a pas de musulmans.